La démystification du double? Eh bien, il y a quelques jours, j'avais réalisé en compagnie de Berthold, qui est également un YouTuber, là, qui a une chaîne de diffusion sur Internet, un entretien qui s'intitule « Le processus de la fusion supramentale », dans lequel il était abondamment question du double. Eh bien, après avoir fait cet enregistrement, j'ai tombé sur un article que j'ai trouvé intéressant sur Internet et c'est la raison pour laquelle je vous le partage à présent. Donc, c'est un article qui s'intitule « Démystifier le double ». Vous allez pouvoir le retrouver sur le site Internet qui est lavoiedureel.over-blog.com, sur lequel vous allez pouvoir retrouver également d'autres textes. Il y a plusieurs textes qui figurent sur ce site Internet où il est question de conscience. Et comme c'est des textes que je trouve intéressants, j'ai décidé maintenant de vous le mentionner au micro. Donc, je vais faire à présent la lecture du texte qui s'intitule « Démystifier le double ». J'ouvre à présent les guillemets. Les êtres de tout temps, de par leur condition d'être manipulés, cherchaient des réponses à l'extérieur. S'ils avaient des problèmes, c'était toujours de la faute des autres, de la société, des systèmes. Le danger aujourd'hui pour l'homme qui se conscientise, c'est de tomber dans le piège subtil d'attendre encore quelque chose, des réponses, des solutions de l'extérieur, en l'occurrence du double. Ce que l'homme doit comprendre et savoir, c'est que c'est lui qui a l'intelligence et la volonté de se construire et de construire son double. Il faut aussi se garder de l'aduler ou d'être fasciné par le double qui doit être un jour intégré par l'ego conscientisé. Le double n'est ni un maître ni un gourou. Si la communication avec l'esprit est bien réelle pour certains d'entre nous, il n'a aucune forme, c'est juste comme de l'énergie intelligente avec laquelle il est parfois possible de communiquer. Il n'est pas supérieur à l'homme qui a lui aussi l'intelligence et droit en arriver un jour à répondre lui-même à toutes ses questions, car le savoir est en lui. Ceci est très bien expliqué sur YouTube par Berthold et aussi David Lévesque pour ceux qui souhaiteraient écouter leurs enregistrements. Donc là, je ferme les guillemets. Et comme la personne a décidé de faire allusion à moi dans son article, eh bien, j'ai décidé de faire allusion à elle dans le cadre de l'un de mes enregistrements. Donc, c'est sûr qu'elle nous amène ici à travers l'écriture des considérations intéressantes par rapport au double. Et puis, c'est sûr que j'encourage les gens qui écoutent les enregistrements et qui ont l'intérêt pour l'écriture, bien d'utiliser l'écriture ou même la parole pour se positionner à l'égard de certains sujets. Parce que, après tout, l'être humain qui se conscientise doit être capable de définir par lui-même le réel. Donc, autrement dit, pour une personne, le double, ça peut être quelque chose, une autre personne, autre chose. Et c'est ce qui est intéressant, c'est d'être capable de tirer profit de différentes compréhensions, de différentes visions de certains sujets, pour être en mesure, par la suite, de mieux se les approprier. Donc, autrement dit, c'est l'être humain qui se conscientise, qui éventuellement est appelé à se positionner par rapport à n'importe quel sujet, que ce soit par rapport au double, les anges, Dieu, les extraterrestres, n'importe quoi, parce que la personne doit être capable de définir, à travers la canalisation qu'elle peut faire d'informations, le réel. C'est ultimement le but de la conscience. Alors, voilà maintenant ce qui va terminer l'enregistrement. Et donc, pour celles et ceux que ça intéresse, eh bien, vous allez avoir les coordonnées, bien entendu, de ce site Internet qui est lavoiedureel.over-blog.com sur lequel vous allez pouvoir lire des articles. Il y en a plusieurs et il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Donc, je trouvais ça intéressant. Au revoir.